Et voici François Morel en duplex de Bruxelles. François, c'est à vous. L'hôpital public, on le sait, est au bord de l'explosion. Un remake burlesque de Human Bomb a eu lieu la semaine dernière à Toulon, où la situation était encore plus périlleuse que dans le reste du pays, puisqu'on a dû partiellement faire évacuer l'hôpital Sainte-Musse à cause d'un obus de la guerre 14-18. L'obus, malencontreusement arrivé par le service des urgences, était coincé de manière intruse et inopportune dans l'anus d'un octogénaire. L'obus était dans l'anus, l'octogénaire dans l'embarras. L'obus bloqué mesurait 18 cm de long et 9 cm de large. Je pense utile de préciser sa dimension afin qu'on puisse mieux le visualiser. Personnellement, lorsque je pense aux obus, j'ai plutôt l'image de ces projectiles creux que l'on voit sur nos places de village, intégrés de façon plus ou moins artistique dans les monuments aux morts et qui, si ils peuvent en effet évoquer la forme du suppositoire, sont quand même très au-delà du calibre habituel que l'on peut attendre raisonnablement d'un médicament rectal. Le patient, donc octogénaire, était né en 1934, soit 16 ans après la fin de la Grande Guerre, mais cependant sans doute nostalgique du temps des poilus. Se privant de la peur, qui reste un moteur avéré, de la libido, capable d'alimenter le fantasme, la peur, qui loin d'inhiber la tumescence peut la créer, le patient a assuré que l'obus était démilitarisé. De manière fondée, l'hôpital a fait cependant appel au service de déminage qui a heureusement éliminé tout risque d'explosion, l'obus étant considéré comme un objet de collection qui sans doute aura encore pris de la valeur après sa large médiatisation. Les journaux écrits ou parlés ont rendu compte de cette information avec de légères nuances. La Nouvelle République ainsi que BFM TV parlent d'un obus dans le rectum. Huffington Post évoque un obus coincé dans l'anus. RTL Info indique de manière plus chaste un obus coincé dans l'anatomie d'un octogénaire. Le site France Live, quant à lui, décrit la situation de la façon suivante. Il se présente aux urgences avec un obus coincé au mauvais endroit, ce qui est une prise de position plus subjective et sujette à la controverse, puisque tout le monde ne sera certainement pas d'accord pour désigner l'anus comme le mauvais endroit. Tout est bien qui finit bien, puisque le patient octogénaire est reparti de l'hôpital soulagé et en bonne santé. L'hôpital Sainte-Musse est resté intact. Si je n'exerçais pas moi-même sur le service public à une heure où l'on attend de moi une certaine exigence langagière et tenue à une certaine réserve, je pourrais dire que le personnel hospitalier, lui, en a toujours plein le cul. Merci à vous, François Morel. Merci à nos amis belges de la RTBF pour la liaison technique, puisque vous êtes en Belgique. François, vous jouez ce soir, ainsi que les 30 et 31 décembre, votre spectacle « J'ai des doutes », c'est au Centre culturel d'Otigny, et pour finir l'année en beauté évidemment, avec Raymond Devos, avis aux amateurs. France Inter.